C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue. Dans cette ville, au milieu des lumières, je ne peux plus regarder en arrière. Je vais traverser tous les écrans qui s'éclairent. Oh, oh, oh. À cet instant, je m'en vais droit devant, j'ai le sentiment. Je peux arrêter le temps à travers toi. Je vois le monde autrement. Oh, oh, oh. Ichi anata wa kirei. Ni shibun no kimoshu tai tai. San aishiteru toki yo. Je peux me balader avec toi en toute tranquillité. Et partout on s'incline pour se saluer. Dans tout ça, moi je ne pense qu'à toi. On ne sait pas comment demain sera, mais tout va bien tant que t'es là avec moi. Ichi anata wa kirei. Ni shibun no kimoshu tai tai. San aishiteru Tokyo. passion. together all along, dancing in the sun.

jour, c'est le contraire d'un jour. Un voyage sans détour. Dans mes pensées, t'as débarqué du jour au lendemain. Tu m'as promis d'être bien. Et mon cœur fermé, t'as rejeté. T'es comme un enfant quand tu mens pour être grand. Et si c'est des tours, mais loin de toi après quelques jours, je t'attendrai pas. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer à tout ça. Mais je veux juste aimer, t'aimer sans abîmer toi et moi. Et pouvoir vivre et avancer. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer. J'ai choisi ma terre. Je rentre dans ma Normandie. Je veux pas t'avoir si je me perds. Mais dans la tempête, on dérivera. Si c'est écrit, peut-être on se retrouvera. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer à tout ça. Mais je veux juste aimer, t'aimer sans s'abîmer, toi et moi. Et pouvoir prier, rêver et avancer. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer. Nos airs ne s'accordent pas et que la mer t'emmène là-bas. Quand nos airs ne s'accordent pas, y a rien à faire, j'étais sincère. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer à tout ça. Mais je veux juste aimer, t'aimer sans s'abîmer, toi et moi. Et pouvoir briller, rêver et avancer. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer à tout ça. Mais je veux juste aimer, t'aimer sans s'abîmer, toi et moi. Et pouvoir prier, rêver et avancer. Moi je veux plus jouer, jouer, jouer, jouer. When you send it,

Entre dans le grand vieux, à la fâche, ça n'est rien d'il y a. Dans la vie, d'accord. Entre dans le grand vieux, à la fâche, ça n'est rien d'il y a. Je t'appelle une de chat. Quando os olhares se trocam, é assim. Fico fora de mim, fora de mim. Não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quer a ti. Só quero a ti. Mas eu não falo francês, vais ter que me ensinar. Por enquanto vou dizer o que te quero falar. Dans avec moi, dans avec moi. Esta noite a distância não nos vai separar. Dans avec moi, dans avec moi. Esta noite nós faremos. C'est le week-end sur Bonjour Arc-en-Ciel. À tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà, donc il est bien sûr 13h30. Voilà donc eh bien le retour avec l'accordéon entre 13h30 jusqu'à 16h. Voilà aussi, nous sommes bien le dimanche avec bien sûr la valse, le tango, le passodoble et puis donc d'autres musiques de l'accordéon. aussi que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, et puis ainsi avec aussi l'émission de Jérôme, avec le téléphone sonne, et puis vous allez le retrouver bien sûr la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer bon après-midi. On va débuter l'émission, bien sûr, d'accordéon avec deux morceaux de valse et puis juste après le tango. Et puis donc, si vous prenez l'écoute, eh bien, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Avec Nicolas sur Arc-en-Ciel.

Enfin, c'est donc le Paso Doble, et puis juste après le Fox. Thank you.

Amoru et puis juste après le Mambo. Une nuit sans fin, mais c'est le décor dans lequel je je me sens si bien. Y'a Pedro qui fait dodo, José car trop picolé, même moi j'ai des fourmis dans les pieds. J'ai bougé sur le mambo, et ça me colle à la peau. Oublie les danses qui sont rétro, je préfère les airs chauds latinos. Et j'ai bougé sur le mambo, enfant les Valentinos. Et les filles de la plage caressant mon visage m'ont dit t'es vraiment beau. d'adios, Eric que j'aime, l'envie de découvrir l'Espagne, le cœur encore plein de bohème, j'irai là-bas porter ma flamme. Parti pour un grand voyage, loin de tes attaches, de ton Berry, connaître enfin les taureaux sauvages, les ballons dans ces belles prairies. Tu as eu enfin tout ce courage pour alimenter tes rêveries, inspiré par ces beaux paysages, découvrir la belle Andalousie. Adios, adios, Eric que j'aime, l'envie de découvrir l'Espagne, le cœur encore plein de bohème, j'irai là-bas porter ma flamme. Morceau d'accordéon portugais et puis la salsa juste après. We'll be right back.

Valentino, che n'hai mo fa la confitura, la tazza della Valentino, che n'hai mo fa l'ucamba giù. Sur Arc-en-Ciel. Voici donc la rumba. We'll be right back.

Donc après la musette, voici la marche. Et puis juste après, on écoutera tout ça, bon, le Baron. Sur Arc-en-Ciel. Amoroso. village amoroso. Arc-en-ciel. Voici donc le Fox et puis juste pareil, le Fox, voici deux morceaux de Java. Si vous prenez l'écoute, eh bien, bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel. la vraie Java. C'est la Java. C'est la vraie Java. Thank you. suis certain, au revoir tous les copains. Voici donc le passo, et puis juste après on écoutera tout simplement, mais avant le boléro. Chantilly très drôle, légende corps. J'avais une maison à chaque côté de la mer. J'avais des amis, j'avais le soleil. J'avais tant de choses merveilleuses que je fais. Et le sourire de Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Voici donc le passe-double et puis juste après le Charleston. Thank you. Et puis juste après un morceau portugais. Plus ça vous, plus c'est bien. C'est c'est la farandole des amis, des copains. On est tous dans le même train. On va faire la fiesta, la boum et la nouba. Danser toute la nuit et draguer à tout va. On va faire la fiesta et partir en Java. On est tous d'accord, venez tous avec moi. On va faire la fiesta, partager notre joie. C'est une soirée que l'on n'oubliera pas. La bonne humeur est là, jeter tout le tracas. Pour péter les plombs, on va faire la fiesta. On va faire la fiesta, la boum et la nouba. On va faire la fiesta, et partir en Java. On va faire la fiesta, la boum et la nouba. La polka et juste après la tarentelle. We'll be right back. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. et tous les yeux sont couleur de bonheur. Dans les hameaux blottis au pied des puits. Arc-en-ciel. Eh bien, 15h56 minutes, eh bien voilà, l'émission touche à sa fin. Disons pour aujourd'hui. Voilà, donc on va se retrouver eh bien dimanche prochain, toujours à la même heure, à partir de 13h30 jusqu'à 16h, avec bien sûr de l'accordéon. Et puis on se retrouve aussi eh bien mardi, pareil, à partir de 13h30 jusqu'à 17h, et puis ainsi, vendredi, pareil, à la même heure. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. também na Netflix. São do continente e na Madeira, 14h nos Açores. Vamos conhecer as notícias que estão a marcar este domingo, Mário Rui Cardoso. Eleições na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro garante que vai respeitar os resultados. Nos Jogos Olímpicos, a portuguesa Fu Yu, qualificada para a segunda ronda da competição de ténis de mesa, e a esta hora o tenista Nuno Borges bate-se no corte em Paris, frente ao argentino Mariano Navona. A esta hora estão 24 graus no Porto, 27 em Faro, 30 em Lisboa, nas ilhas 25 em Ponta Delgada e 26 no Funchal. Edição das 3 com Mário Rui Cardoso. Já vamos às eleições venezuelanas. Para já, as participações de atletas nacionais nos Jogos Olímpicos. Nuno Borges, de fronte a esta hora, o argentino Mariano Navona, e João Gomes Dias, esperava-se mais do tenista português. Sim, até porque já não é de fronte, é de frontava, porque acaba mesmo esta hora de perder com duplo 6-2. Nuno Borges nunca conseguiu ser um jogador convincente ao longo desta primeira ronda aqui em Roland Garros. Ele que até vinha muito confiante do tal primeiro título ATP conquistado também em terra batida, mas em Bastad, na Suécia, agora durou apenas uma hora em 9 minutos, adiante de Mariano Navona. O argentino tem sido um dos melhores jogadores em 2024, era quase um desconhecido antes deste ano civil, e impôs-se de forma clara sobre Borges, que diria foi muito errático e mostrou sempre enorme frustração na forma como lidou com os pontos que foi perdendo ao longo do encontro. Curiosamente, Francisco Cabral perdeu exatamente pelos mesmos parciais, 6-2 e 6-2, mas aqui era muito expectável que tal acontecesse, uma vez que a Cabral não joga, ou não jogava um encontro de singulares desde 2022, foi repescado devido à lesão de Alex de Minaur, acabou por cair com naturalidade diante do alemão Jan-Lennard Struff em 1 hora e 2 minutos. Cabral e Borges com esta participação muito aquém nos singulares, mas recordo, eles vão ainda